pour le bétail. Point. Le tailleur a travaillé à mon manteau. Point. Julien ramasse le caillou. Point. Je mange de la volaille tous les dimanches. Point. Vous avez mérité le médaillon de la classe pour votre application. Point. un beau vitrail décore cette muraille point. J'ai reçu un cadeau joli médaillon point.